Les gros voyous et parler d'MC, tu seras m'annoncer après, c'est pour ça qu'elle quitte. J'explique, je suis là pour cacher ma voix, un paquet de bif. De spi, alimentation pour des garettes, si. Même si j'ai le cœur qui saigne, demande à Shelby. Quelle vie, on était caché à la gare pour ton nouveau bigot. Gros string, le pote m'a fait une passe, c'est que les bons tuyaux. Handek, et crois pas que j'y mets la bouche et tout. Plaquette, usée sur le bolide, ce soir je peux pas, j'ai boum, mettre à genoux le game. Violet comme Lakers, il me faut ma lady. L'osage j'ai encore des balles, le sentiment faut pas déballer. La lucarne on va nettoyer, faire le boulot comme Sadio Mane. Moi je veux faire le tour du monde parce que check j'ai déjà tout vu. J'rappe comme si j'en avais 30 quand t'as la bouteille j'ai tout bu. J'crois qu'faut pas trop en mettre, le filtre ça casse le cul. La poca avait tant stress, elle est tenue par le pull. Passer sa vie dans le dingue, son achat bon par le pull. Elle parlait de marier dans le hlèche, j'ai vu se frotter dans le sol. Ah ouais j'suis dans les dents, attiré par les blancs. La patate dans les dents, T.I.M. bah ouais mon sang. Les types sont sur le rinté, j'suis dans les RS4. Si j'ai pas pu les sentir, mais tranquille ça reste calme. Crame vif, illicite, remets ta pente en booster. Cric, j't'élimine, j'suis en issue à 12h. Rara, ça manigance, le soir j'pense à tous merger. J'ouvre pas la porte de l'hôtel si ton accès est fermé. Terre, terre, playa, ça claque le Ben NNF. J'vais rentrer en billet des bars, sa chaîne NNF. Gros fer, taillade, chaque c'est l'LLLR. Ah, j'crois que c'est l'LLR, faut que j'crois que c'est l'LLLR. Un poteau, j'mets les gaz au repos quand y'aura les lames. Prépare un coup d'état, ils seront envahis par le somme. J'arrive en beau départ, t'inquiète, soutenu par les meufs. Ça crie mon blast parce que j'me fais contrôler par les keufs. J'tête le bitume et tout, mais on va se barrer bientôt. Les sèches au fond, elle met la paye quand j'suis dans le Viano. J'aime les gros boules qui sortent du même pays qu'Adriano. Pas de faire enculer, t'es un trait, tu dis longue vie à nous. T'es ma, j't'explique, bientôt ça sort du textile. Sexy, j'm'applique sur la prod, gros j't'enlève 16 filles. Pepper, mental, courage, les deux ils passent. Et ce soir gros y'a rien pour eux, c'est peut-être pour ça que les bleus ils tracent. J'suis dans le domaine, j'domine, on a les gros, c'est tout. Quand t'as déjà vu la kista, tu veux plus de gros, c'est dur. Tu fais pas rentrer des logs, c'est toi 14, t'es fou. J'ai la dégaine solide, on va les gros, c'est dur. T'es MAL, t'es en pécho. C'est comment on fait, Caliente Ricor. Autre chose à dire mais rien à raconter, blague.